certains rêvent de vendre des millions de disques. Mon gosse, les rêves, se brisent. Tout comme les trêves, certains se pincent. Fils, fais gaffe à la grosse chiatique. Mes acolytes se pointent, cherchent des sparring, cherchent le coup dur, fais pas une crise. Un conseil, cherche la sortie et vite, car parfois les vertèbres se brisent. Arrête de dire je vais le faire, faites-le et vite. Évitez de dire viens pas test, car je vous teste et je vous nique. Les gars de ma ville me détestent, dans le sport comme dans la zik. Plein contact, gros hématome, dans le sport comme dans la zik. Décollement de la rétine, sur la scène comme dans le ring. Ça peut partir en coup, ça peut finir chez le toubib. En répète comme au gymnase, ça peut finir en homicide. Je le répète encore une fois, je vous teste et je vous nique. T'as mal au temps, viens voir tonton, j'ai mon CAP dentiste. T'es pas enfant, tu viens chez mon fils. Je prends des gros risques, c'est hardcore à 100%. Dans le sport comme dans la zip. Fallait qu'on représente les notes, fallait qu'on dise, fallait qu'on monte. Ceux qui se tiennent droit, les vrais bonhommes, pas comme les autres, pas comme ces putes. Fallait qu'on se démarque des autres, plein contact, gros hématome. Protège, dans de rigueur, tire à balles réelles, prêt pour la guerre. Fallait qu'on représente les notes, fallait qu'on dise, fallait qu'on monte. Ceux qui se tiennent droit, les vrais bonhommes, pas comme les autres, pas comme ces putes. Fallait qu'on se démarque des autres, plein contact, gros hématome. Protège, dans de rigueur, tire à balles réelles, prêt pour la guerre. C'est votre monde qui me saoule, ma raison, ma démo, mes larmes, quand le sang coule. Ta raison, mes mots sont mes larmes, c'est mon monde et le reste me saoule. C'est votre monde qui me saoule. Je entends crier mes phrases par cœur par la foule, c'est ce qui manque, qui fout les boules. Comme à l'époque des soirées AMC, j'avais chopé le mic et posé ma DSP. Mon son était ma dog, mes sables détox, à qui je distillais info intox. Le meilleur dans le box, de répète, de la bombe ça pète depuis les vidéos et la vendette. Un attentat de puce dans le cul de l'état, c'était notre recette. Ton plat préféré avec une bonne bière, on avait même des clients qui résidaient à la Colombière. Du rockstar à des salles qui ne portaient même pas de nom. Une solo des sables, un micro et tu vas entendre crier notre nom. Vengeance, c'est ce fameux plat qui se mangeait froid. Et le temps est passé, de plus en plus meilleur, on m'appelle le gros. Et toujours autant de putes qui font des passes pour un micro. D'argent de Marseille, moi je vise l'or et l'oseille. Le cash, la paye, faut pas se le cacher. Une seule chose me préoccupe la tête, c'est la liasse. C'est la liasse, c'est la liasse, c'est la liasse, c'est la liasse, c'est la liasse, c'est la liasse, c'est la liasse. Fallait qu'on représente les notes, fallait qu'on dise, fallait qu'on monte. Ceux qui se tiennent droit, les vrais bonhommes, pas comme les autres, pas comme ces putes. Fallait qu'on se démarque des autres, plein contact, gros hématome. Protège, dans de rigueur, tire à balles réelles, prêt pour la guerre. Fallait qu'on représente les notes, fallait qu'on dise, fallait qu'on monte. Ceux qui se tiennent droit, les vrais bonhommes, pas comme les autres, pas comme ces putes. Fallait qu'on se démarque des autres, plein contact, gros hématome. Protège, dans de rigueur, tire à balles réelles, prêt pour la guerre.